tape à corde et de la semelle au calbar. H530, direction le taf. Dans le poste du vieux, comme à l'époque, retour sur le passé, sombre période. Un ado attardé par un os mort. Une whisky dans la main droite, fort taux d'alcoolémie. THC dans les viscères, mon bilan sanguin en fuite avec Cypress. Mise à sauce des futurs et ex-tolars. Quand ça parle pas de chat ou de Jean Hart, ça parle de poucave et de mandat. Mon premier calibre, un vieux chasse raccourci négocié pour 500 balles. Le tout son du froissement du Pascal me stresse quand il s'échappe de ma poche droite. Faut que je récupère la monnaie comme doit. Donc j'attaque ma tournée, coup de pression comme d'hab. Je relève les compteurs, ces bâtards s'acquittent de leur ardoise. Tête basse et on repart pour la même avance. J'ai le go du risque, faut croire au premier contrôle, je me ferai balance. Je voulais péter le score comme Fujis ou Tony. Avec leur cul, je sais plus trop à vrai dire. Un long fleuve tranquille, des conneries sans mentir. C'est dès le départ que j'aurais dû fumer Mani. Je voulais péter le score comme Fujis ou Tony. Avec leur cul, je sais plus trop à vrai dire. Un long fleuve tranquille, des conneries sans mentir. C'est dès le départ que j'aurais dû fumer Mani. On s'appelle frère, mais y'a que la thune qui compte. L'amitié tient qu'à un chiffre, en cas d'embrouille, on voit les hommes, on voit les autres. Et ceux qui tirent, m'a dit Zeg, on a besoin de renfort. J'ai pris mon calibre, je l'ai chargé, pas sûr d'en revenir. Retour d'ascenseur, on m'a dit j'arrive, j'attends encore après 10 piges. On m'a dit t'es gris, t'es blasé de la vie. Vision biaisée de l'avenir, dans le temps je me voyais finir grossiste. Croire que j'avais pas le profil ou juste pas l'envie. Merco BMOD, déjà mort une putain d'équipe. Déjà mort l'album éponyme, réinjecte l'argent du bis dans le disque. Pendant que ces trous du cul de rappeur à deux balles pensent faire carrière en se clashant comme dans 8 Mice. On n'avait pas le temps pour ce genre de merde. Même si on a bien kiffé un concert à mettre le feu sur scène en parallèle du son. Y'avait trop de cash à faire, trop de cash à faire. Je voulais péter le score comme Fujis ou Tony. Avec leur cul, je sais plus trop à vrai dire. Un long fleuve tranquille, des conneries sans mentir. C'est dès le départ que j'aurais dû fumer Mani. Je voulais péter le score comme Fujis ou Tony. Avec leur cul, je sais plus trop à vrai dire. Un long fleuve tranquille, des conneries sans mentir. C'est dès le départ que j'aurais dû fumer Mani. Si demain je meurs, je veux de la weed dans mon cercueil. Partir en fumée avec une bonne odeur de purple. Rejoindre mon pote Juice pour faire du drift en Versys. L'idée que je me fais du paradis, c'est pas ce qu'ils disent comme s'ils savent. Quand je croise mes défunts dans mes songes, ces enfoirés veulent pas me répondre. Depuis longtemps j'ai arrêté d'essayer de rentrer dans le rang. Éternel ado, les nerfs à vif planqué derrière ce visage fermé d'adulte, j'entends. Plus les critiques, je n'attends plus rien d'autre, question d'expérience. Finalement tout se résume à une question d'argent. Pour vos projets, j'ai pas le temps. J'ai tourné le dos à tout un tas de gens sans regret. Je n'ai confiance qu'à ma descendance. J'ai pris du recul sur les passions, les profits. Les amitiés fictives, elles sont sincères depuis le départ incompris. Plus j'en fais, plus je me dis que tout est à faire. J'en place une dernière pour ceux qui me comprennent. Je voulais péter le score comme Fujis ou Tony. Avec leur cul, je sais plus trop à vrai dire. Un long fleuve tranquille, des conneries sans mentir. C'est dès le départ que j'aurais dû fumer Mani. Je voulais péter le score comme Fujis ou Tony. Avec leur cul, je sais plus trop à vrai dire. Un long fleuve tranquille, des conneries sans mentir. C'est dès le départ que j'aurais dû fumer Mani.